Les éditions de l'Avenir présentent Samuel Champlain, fondateur de Québec et père de la Nouvelle-France, Histoire de sa vie et de ses voyages par N. E. Dionne, lu par Christian Martin. Vie de Champlain, première partie, 1570 à 1615. Chapitre 1er. Jeunesse de Champlain, 1570-1599. Fondation de Brouage. Son histoire. Naissance de Champlain. Son enfance. Sa famille. Entre dans l'armée. Voyage en Espagne. Le capitaine provençal. Champlain décide de prendre part à une expédition aux Indes occidentales. Don Francisco et Colomb. Départ pour l'Amérique espagnole. La fondation de la ville de Brouage remonte à l'année 1555. Jacques de Pont, à qui l'on attribue l'honneur d'avoir jeté les premières assises de la future patrie de Samuel Champlain, n'eut pas la satisfaction de lui laisser le nom de Jacopolis, dont il avait d'abord été question. Son origine véritable se rapporte à une tour appelée Brouille, que l'on voyait quelques années plus tard se dresser du front du bras de mer, qui, en s'avançant à deux lieues dans les terres, formait au Moyen-Âge un port des plus célèbres, comme marché d'échange, des bords de l'océan, et que l'on croit avoir été le Portus Santonum de Ptolémée. Le lieu choisi pour le site de la nouvelle ville était marécageux, rempli de cailloux et de sable, produit du délestage de navires venant du nord pour s'y charger de sel. Brouage, situé, comme l'on sait, sur les côtes de la Saintonge, à une faible distance de La Rochelle, dut subir à plusieurs reprises le sort de son opulente voisine. Quelque temps après la bataille de Saint-Denis, en 1567, La Rochelle, s'étant livrée aux Huguenots, devint la place d'armes du parti dans tout l'ouest de la France. L'amiral de Coligny, le prince de Condé et la reine Jeanne d'Albret, avec son jeune fils Henri de Navarre, l'avaient-ils choisi pour leur résidence. Brouage, également passé aux mains des protestants, leur fut enlevé par Rivière-Puitaillé après la bataille de Moncontour en 1569. 7 mois plus tard, elle retombait au pouvoir du comte de la Rochefoucauld, l'un des chefs huguenots, assisté de Jacques Sort, corsaire célèbre par son audace et ses cruautés. S'étant un jour emparé d'un navire espagnol, il fit mettre à mort tous les jésuites qu'il portait. Sa renommée sur les mers n'avait pas cependant éclipsé la réputation du capitaine Paulin, le grand et valeureux défenseur de la cause catholique sur la Méditerranée et l'Atlantique. Après s'être emparé de Brouage, Paulin fut un jour obligé, devant les forces supérieures de ses adversaires, de l'évacuer, mais non sans offrir de la résistance. Une fois maître de la ville, Mirambeau, autre chef huguenot, l'environna d'un fossé, l'entoura d'un bon rempart et de murailles garnies de flancs et de ravelins. Dès lors, écrit la Populinière, le havre de Brouage était estimé, par toutes les nations, être le port le plus sûr et le plus commode qui fût en Europe. Un an après la proclamation de la Sainte Ligue, 1577, les catholiques, commandés par Charles de Lorraine, duc de Mayenne, vinrent mettre le siège devant Brouage. Après une succession d'engagements entre les flottes des Ligueurs et des Huguenots, la ville saintongeoise, se voyant sans secours, fut forcée de capituler. Ce fut durant cette guerre, aussi longue que désastreuse, que le roi de Navarre, au désespoir de ne pouvoir arracher Brouage aux mains de Saint-Luc, son habile défenseur, prit le parti extrême de ruiner son havre si commode. Le plus beau que la mer eût formé sur ses côtes, en coulant à l'entrée du chenal 20 bâtiments chargés de pierres. À dater de ce moment, 1586, Brouage ne fit que décroître en importance. Ses salines conservèrent longtemps leur réputation et l'on vit, pendant le XVIIe siècle, les pêcheurs de Bretagne et de Normandie, aussi bien que ceux de Lounis, à courir s'y approvisionner de sel pour leur pêcherie en Acadie, dans la baie des Chaleurs et au Cap-Breton. La fièvre, non moins que le retrait de la mère, a fait de Brouage le misérable hameau que l'on s'étonne de voir fièrement entouré de remparts et de bastions. Tels sont, en résumé, les principaux événements qui se rattachent à l'existence mouvementée, à l'origine, puis calme et obscure, de la patrie de Samuel Champlain. L'immortel fondateur de Québec y vit le jour vers l'année 1570. La biographie saint-ongeoise croit que ce fut en 1567. Mais il ne faut pas ajouter une trop grande foi à se dire, vu que l'auteur ne mentionne aucune autorité à l'appui. Les dictionnaires biographiques n'ont fait à l'égard de cette date que se copier les uns des autres. Les archives de Brouage sont muettes sur cette naissance. Aussi, les chercheurs les mieux disposés sont-ils revenus découragés de leur pérégrination à travers les monuments de la ville à laquelle revient l'honneur de cette paternité illustre. Champlain lui-même ne parle jamais de son âge dans les nombreux écrits qu'il a laissés après lui. Dans une circonstance pourtant, il dit, mais d'une manière bien obscure, faisant allusion à Pontgravé, que l'âge de ce dernier le ferait respecter comme son père. Citant l'année 1619, il s'exprimait ainsi. Le frère Sagard-Théodat, mineur écolais, racontant son voyage au Canada durant les années 1623 et 1624, dit que le sieur de Pontgravé était un vieillard, alors âgé de plus de 70 ans. Il pouvait donc y avoir 20 ans de différence d'âge entre ces deux personnages. C'est assez pour expliquer la différence de Champlain à l'égard du capitaine Malouin. On en est donc encore réduit aux conjonctures sur ce sujet. Heureux, si nous parvenons un jour à débrouiller le chaos qui entoure le berceau du premier gouverneur de la Nouvelle-France. D'après la biographie saint-ongeoise, Champlain était issu d'une famille de pêcheurs. Son père s'appelait Antoine et sa mère, Marguerite Leroy. Il reçut à l'église le nom de Samuel. Ses parents étaient catholiques, comme l'indique leur nom de baptême. L'abbé Fayon, le savant auteur de L'histoire de la colonie française en Canada, s'étonne qu'on ait baptisé notre héros sous le nom de Samuel. Ce nom, dit-il, inusité chez les catholiques, était un honneur chez les protestants. Cette objection, que Fayon soulève sans en tenter la moindre réfutation, ne vaut guère la peine qu'on s'y arrête. Il y avait, ce semble, dit l'abbé Laverdière, dans une note à la notice biographique de Champlain, publié à la tête de ses voyages, une insinuation plus naturelle à faire. C'est que, dans cette hypothèse, le père et la mère de Champlain avaient dû apostasier, car son père s'appelait Antoine et sa mère Marguerite, deux noms tout à fait catholiques. Dans le contrat de mariage de Champlain, fait en 1610, son père est désigné sous le nom de capitaine de la marine. Il est aussi qualifié dans le même document d'homme noble. Cette noblesse se réduisait à bien peu de choses, équivalent, à notre sens, au titre d'homme honorable ou respectable. Les registres du Canada employaient souvent au XVIIe siècle cette expression de noble homme, et il n'est jamais venu à notre pensée de croire que ce qualificatif servit à désigner une origine nobiliaire. C'est bien à tort aussi que l'abbé Fayon accole au nom de Champlain le titre de seigneur de Brouage, il dit être consigné dans son acte de mariage, quand il y est appelé simplement « sieur du dit lieu ». Il est vrai qu'à cette époque, comme au temps de Jacques Cartier, l'on employait indistinctement l'une ou l'autre de ces deux appellations. Mais cette seigneurie s'appliquait tout aussi facilement à une propriété de valeur médiocre, comme une maison, un jardin ou un hôtel, qu'à un vaste domaine. Antoine Champlain est également appelé « sieur » dans le contrat de 1610. Si ce titre indique l'annoblissement, il faudrait croire que le père était aussi inscrit au livre d'or. Cette supposition est dénouée de toute vraisemblance. Revenons maintenant au jeune Samuel, dont la jeunesse s'écoula paisiblement au milieu de sa famille, vivant de la vie modeste des pêcheurs. Le curé de sa paroisse était chargé de son éducation intellectuelle et religieuse. Dans les intervalles des leçons, l'élève du prieur suivait son père dans ses courses de pêche. C'est ainsi que de bonne heure, il s'accoutuma à braver les tempêtes auxquelles la classe des pêcheurs est si souvent exposée. Le jeune marin, ainsi formé à l'école du danger, acquiert bientôt la vertu stoïque qui brave tout et rend le cœur insensible aux misères et aux rudes labeurs de la vie. L'enfant passe vite à l'état d'adolescent et, dans ces conditions, il acquiert avant l'âge une trempe toute particulière dont il se ressent toujours. Aussi, voyons-nous cet humble fils de pêcheur se choisir une carrière à un âge où l'on ne songe guère qu'aux amusements et aux joies du foyer. Cependant, il pouvait avoir atteint ses 20 ans lorsque, mettant de côté ses préférences pour la navigation, il courut offrir ses services au maréchal d'Aumont dans les armées catholiques. Champlain eut mieux aimé voguer sur les mers, comme il nous l'apprend lui-même. C'est cet art, la navigation, dit-il dans une épître adressée à la reine régente et imprimée au commencement de son édition du voyage de 1613, qui m'a, de mon bas âge, attiré à l'aimer et qui m'a provoqué à m'exposer presque toute ma vie aux ondes impétueuses de l'océan. Samuel Champlain commença donc sa carrière par s'exercer au dangereux métier des armes. Il courut s'enrôler sous la bannière de la Ligue contre Henri de Bourbon, dont les titres à la royauté de France étaient chaudement contestés par les Guises et par un puissant parti catholique. Cette guerre dura 22 ans, de 1576 à 1598. Pendant cette longue période, l'on vit la France en proie aux plus lamentables dissensions, les batailles succédées aux batailles. Enfin, ce fut toute une ère d'assassinats et de crimes. La Rochelle étant le centre du parti huguenot, les ligueurs ne tardèrent pas à y porter leurs armes et nous avons vu que, dès 1577, ils vinrent mettre le siège devant Brouage sous la conduite du duc de Mayenne. Champlain nous dit qu'il était employé en l'armée du roi sous messieurs le maréchal d'Aumont, de Saint-Luc et maréchal de Brissac en qualité de maréchal des logis de la dite armée durant quelques années. Champlain était encore trop jeune, en 1582, pour prendre part à l'expédition aventureuse des Açores, dirigée par Catherine de Médicis contre Don Antonio, concurrent de Philippe II, au trône du Portugal. Plusieurs grands seigneurs de France, entre autres Charles de Cossé, comte de Brissac, s'étaient engagés à la hâte dans l'armée navale dont le commandement avait été remis à Philippe Strozzi. Les Français furent battus et de Brissac revint avec 18 navires seulement, des 64 envoyés aux Açores. Mais en 1586, alors que François d'Épinay de Saint-Luc défendait Brouage attaqué par Henri de Navarre et le prince de Condé, il est assez probable que Champlain avait déjà quitté le foyer paternel pour défendre sa ville natale contre les envahisseurs huguenots. Il pouvait avoir alors 20 ans. Après la mort de Henri III, tombé sous le poignard d'un assassin, des ligueurs se soumirent les uns après les autres à l'autorité du roi de Navarre, devenu roi de France. Champlain continua à porter les armes, mais il dut subir l'autorité de ses chefs, devenus les ardents défenseurs de leur ancien adversaire. La Bretagne fut la dernière souveraineté à se rendre. Le duc de Mercœur, qui en avait le gouvernement depuis plusieurs années, visait à l'indépendance. Henri IV essaya plusieurs fois de l'amener à se rendre en lui faisant des propositions de paix, agréées souvent, mais aussitôt rompues par le duc rebelle. Ce fut dans cet intervalle de négociations infructueuses que le maréchal d'Aumont fut chargé du commandement de Rennes afin de surveiller les ajustements de Mercœur. C'était vers 1594, 4 ans avant la soumission du plus obstiné des ligueurs. Champlain fut donc témoin des derniers efforts de Mercœur, non moins que de l'agonie de cette interminable querelle qui finit par le traité de Vervins le 2 mai 1598. En y apposant sa signature, Henri IV s'assurait pour toute sa vie la paisible possession d'un trône longtemps convoité. L'armée fut licenciée et Champlain retourna à Brouage après avoir consacré une grande partie de sa jeunesse au service d'une noble et sainte cause. Catholique, il avait fièrement combattu contre Henri de Navarre, chef de la religion prétendue réformée, comme il l'avait défendu lorsqu'il eut abjuré son erreur. Ce fut dans les dernières années du règne de Henri IV, père du peuple français, que l'on tenta de nouveaux efforts pour coloniser la Nouvelle-France et l'Acadie. Tous ne furent pas également couronnés de succès. Le marquis de La Roche vit échouer sur les rivages de l'île de Sable une expédition mal organisée. Chauvin et Pontgravé avaient obtenu le privilège du commerce des pelleteries au Canada, à la condition, sinon expresse du moins tacite, qu'ils feraient passer à Tadoussac un gros contingent de colons. Mais ils n'en firent rien et trafiquèrent uniquement avec les sauvages. D'autre part, des marchands de Saint-Malo, Laval et Vitré s'étaient formés en compagnie pour rouvrir la route des Indes orientales et des mers du Sud que leur avaient montré les frères Parmentier et Paulmier de Gonneville. Michel Frottet, sieur de la Bardelière, et François Gros, sieur du Clos-Neuf, ancien connétable de Saint-Malo, furent les principaux héros de ces expéditions constituées dans le but de disputer aux Portugais le monopole du commerce de l'Orient. Tous deux trouvèrent la mort dans ces voyages périlleux et le résultat qui s'ensuivit dut être la ruine de la compagnie. Les quelques survivants des équipages revirent leur patrie durant l'été de 1603, alors que Champlain était muni de pouvoir, que lui avait délégué Aymar de Chastes, gouverneur de Dieppe et successeur de Chauvin dans ses privilèges de trafic au Canada. Cet homme distingué avait pris une part active dans les guerres de la Ligue contre le parti huguenot, mais il fut un des premiers à se soumettre à Henri IV après son accession au trône. Coïncidence étrange, le commandeur de Chastes renoue la chaîne, apparemment interrompue, des hommes qui, au XVIe siècle, portèrent quelque intérêt à la Nouvelle-France, en devenant l'acquéreur de la magnifique résidence que Jean Angot avait fait peindre à fresque par des peintres italiens. Le riche armateur Diepois fut, en effet, l'auteur de l'expédition des frères Parmentier et de Jean Verrazano aux Terres-Neuves et sur les côtes de l'Atlantique. Aymar de Chastes, à son tour, devenu puissant par la fortune et l'influence, confia à Champlain la conduite d'un voyage au Canada pour l'accomplissement des grands desseins qu'il avait formés. Mais avant de prendre le chemin de la Nouvelle-France, Champlain avait sillonné d'autres mers et abordé au rivage des îles occidentales. Aussitôt après les conclusions du traité de Vervins, se trouvant sans emploi et condamné à vivre dans un désœuvrement peu conforme à ses projets de faire son chemin dans le monde, il résolut d'embrasser une carrière plus en rapport avec ses goûts et ses aptitudes. Une occasion favorable devait bientôt s'offrir. Il avait un oncle, le capitaine provençal, tenu pour un bon marinier de France et qui, pour cette raison, avait été entretenu par le roi d'Espagne comme pilote général de ses armées de mer. Ce parent se trouvait alors à Blavet, place forte que les Espagnols avaient occupée durant les guerres de la Ligue jusqu'au traité de Vervins, mais qu'il devait évacuer sans retard. Le capitaine provençal avait été chargé par le maréchal de Brissac de conduire dans leur pays les hommes de la garnison de Blavet. Informé de cette mission, Champlain se rendit auprès de son oncle et lui demanda la permission de l'accompagner. L'occasion était belle pour le fils du pêcheur de Brouage de reprendre ses habitudes d'autrefois et de compléter son apprentissage au rude métier de marin. Grande fut sa joie lorsqu'au commencement d'août de l'année 1598, il put voguer sur l'Atlantique à côté de son protecteur, le commandant de Saint-Julien, navire de 500 tonneaux, en route pour l'Espagne. Le voyage fut traversé de difficultés. Une brume épaisse dispersa les vaisseaux et l'amiral faillit se perdre sur un récif. Cependant, l'escadre réussit à se réunir aux îles de Bayonne, en Galice. 10 longs jours s'y passèrent à réparer les avaries du vaisseau amiral. Après avoir doublé le cap Saint-Vincent, l'on vint mouiller dans le port de Cadix, lieu de débarquement de l'ancienne garnison de Blavet. Les vaisseaux français, que le roi d'Espagne avait nolisés pour rapatrier ses soldats, furent aussitôt congédiés, à l'exception toutefois du Saint-Julien, dont il avait encore besoin. Le navire du capitaine Provençal dut rester en rade de Cadix pendant un mois, et dans l'intervalle, Champlain occupa tout son temps à reconnaître la ville et ses environs. Il avait déjà, durant son voyage, dressé une carte des endroits où la flotte avait fait escale, le cap Finistère et le cap Saint-Vincent. À Cadix, il consacra ses loisirs à tracer un plan minutieux de la ville. On peut prévoir déjà, dans le jeune marin, l'observateur persévérant, cherchant dans ses voyages à s'instruire plutôt qu'à s'amuser. Après un mois de repos, le Saint-Julien continua sa route jusqu'à San Lucar de Barrameda et l'entrée de la rivière de Séville, où il devait, avant que d'en partir, séjourner 3 mois de plus. Pendant que Champlain portait ses investigations dans tous les lieux qui pouvaient l'intéresser et en dessinait la topographie, arrivé à San Lucar, une patache espagnole venant en ligne directe des Indes occidentales pour informer le roi qu'une flotte anglaise était en mer avec l'intention de s'emparer de Porto Rico. À cette nouvelle, Philippe, roi d'Espagne, leva à la hâte une armée de 2000 hommes, tant soldats que mariniers, et fit appareiller 20 navires au nombre desquels le Saint-Julien, reconnu comme fort navire et bon voilier, pour le transport aux Indes. Ce dont je reçus une extrême joie, écrit Champlain, me promettant par ce moyen de satisfaire à mon désir, et pour ce, je me résolus fort aisément d'aller avec lui. L'oncle provençal. Mais, quelques diligences que l'on fit pour radouber, équiper et ravitailler les vaisseaux en partance, ils ne purent prendre la mer avant l'arrivée d'une seconde patache portant la triste nouvelle que les Anglais s'étaient emparés de Porto Rico. De sorte que le départ de la flotte fut arrêté par ordre royal. Champlain se vit par là frustré dans son espérance. Ce dut être un fâcheux contretemps pour notre héros, auquel un voyage de cette nature devait apporter beaucoup d'attrait. Mais un nouveau concours de circonstances vint bientôt le favoriser. Un seigneur, du nom de Francisco e Colón, chevalier de Malte, était arrivé à San Lucar pour prendre la charge de général de la flotte qui allait tous les ans aux îles du golfe du Mexique. Voyant que le Saint-Julien était prêt à faire voile, il l'engagea aux frais ordinaires, moyennant un écu par tonneau mensuellement. Le capitaine provençal, dont les services avaient été requis ailleurs, demanda à son neveu s'il acceptait la charge de son navire. Jugé de la joie de Champlain à cette proposition inattendue, joie tempérée par la crainte de ne pouvoir obtenir l'agrément de Don Francisco e Colón. Non seulement celui-ci le lui accorda, mais il lui promit de plus son assistance et il tint parole. Enfin, la flotte espagnole fit voile pour l'Amérique espagnole. C'était au commencement de janvier 1599. « C'est ici, s'écrie M. Laverdière, que l'on commence à remarquer en notre auteur une qualité infiniment précieuse, celle d'observateur scrupuleux et intelligent, qui ne manque aucune occasion de servir la louable ambition de la science aussi bien que les intérêts de la patrie. Non seulement il tient journal comme s'il était déjà chef de l'expédition, mais encore il note sur son passage la position des lieux, des productions du pays, les mœurs et les coutumes des habitants. Nous le suivrons pas à pas à travers ces contrées, découvertes en grande partie un peu plus d'un siècle auparavant par Christophe Colomb, de chevaleresque mémoire. La biographie de Champlain serait bien incomplète si l'on ne faisait qu'effleurer ses 2 années de voyage au Nouveau Monde. La relation qu'il en a laissée suffirait pour établir sa réputation de géographe et de navigateur expert. C'était plus qu'un simple voyage de touriste qu'il entreprenait. Les terres américaines, dont il entrevoyait déjà toutes les beautés à travers les prismes de son imagination, surexcitées par l'attrait du nouveau, avaient été parcourues en tous sens par les Espagnols affamés d'or et de richesses de toute nature. Lui aussi était mu par un puissant motif. C'était l'avidité de voir, de se renseigner sur les lieux dont on rapportait tant de merveilles. Son unique ambition était d'en revenir chargé de plans et de cartes qu'il pourrait utiliser plus tard pour le bénéfice de ses compatriotes. C'est dans ces louables dispositions qu'il s'embarqua sur le Saint-Julien,